Pourquoi la gauche préférait Jeanne Hachette à Jeanne d'Arc? Jeanne l'aînée, qu'on appelait Jeanne Fourquet au XVIe siècle, et qui a été surnommée Jeanne Hachette à compter du XVIIe siècle, est née à Beauvais vers 1454. Son nom est resté dans l'histoire en raison du rôle héroïque qu'elle a joué pendant la guerre qui opposait le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, et le roi de France, Louis XI. Le 27 juin 1472, Charles le Téméraire fit le siège de Beauvais. Comme la ville n'avait pas de garnison, ce sont les habitants qui montèrent au rempart pour défendre leur cité. Jeanne l'aînée saisit une hache pour attaquer un bourguignon et lui prit son étendard. Cet acte héroïque encouragea les autres femmes de la ville à se joindre au mouvement en apportant de la poudre et des armes aux combattants. Grâce à cette mobilisation populaire, les 80 000 assaillants furent repoussés le 22 juillet et l'avancée de Charles le Téméraire fut stoppée net. Pour récompenser l'héroïsme des femmes de Beauvais, Louis XI institua en leur honneur une manifestation publique qu'on appelle la procession de l'assaut, dans laquelle les femmes précèdent les hommes dans le cortège. L'année suivante, toutes les filles de Beauvais furent autorisées à revêtir les ornements que seules les femmes nobles avaient le droit de porter le jour de leur mariage. Des lettres patentes expédiées en 1474 par le roi font référence à notre chère et bien-aimée Jeanne l'aînée, fille de Mathieu l'aîné, demeurant en notre ville de Beauvais, en rappelant qu'elle gagna et retira devers elle un étendard ou bannière des dits bourguignons. À Beauvais, l'action héroïque de Jeanne Hachette s'installa dans la mémoire collective, à tel point qu'aujourd'hui encore, tous les ans, le dernier week-end de juin, sont organisées les fêtes Jeanne Hachette ou fêtes de l'assaut. La grande place de Beauvais, ainsi qu'une rue de la ville, porte son nom. Un monument dédié à l'héroïne, inauguré en 1851, a été érigé sur cette place face à l'hôtel de ville. L'existence de Jeanne Hachette fut pourtant contestée au XIXe siècle par quelques érudits conservateurs. Au début du XXe siècle, ce personnage devint même un enjeu de mémoire. Pour contrecarrer le discours de la droite catholique qui tentait de récupérer Jeanne d'Arc à son profit, la gauche laïque s'efforça de présenter Jeanne Hachette comme un modèle alternatif d'héroïne féminine au service de la patrie. Ce clivage entre la droite et la gauche affecta aussi la ville de Beauvais, mais les élites trouvèrent un moyen de sauvegarder le consensus mémoriel. Le 28 juin 1921, par exemple, la presse indiqua que deux cortèges s'étaient formés dans la ville lors de la fête en l'honneur de Jeanne Hachette. Le défilé civil, parti de la mairie, était emmené par le maire, le préfet de l'Oise et le représentant des autorités militaires. L'héroïne était incarnée par une jeune ouvrière de Beauvais. Le second défilé était parti de la cathédrale, emmené par l'évêque de la ville, suivi par les élèves des écoles libres et par les membres des associations catholiques. Mais les deux cortèges se rassemblèrent devant la statue de Jeanne Hachette et 101 coups de canon annoncèrent les débuts des réjouissances populaires.